Exode chapitre 28. Et toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, d'entre les enfants d'Israël, pour m'exercer la sacrificature, savoir, Aaron, et Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, fils d'Aaron. Et tu feras Aaron, ton frère, de saints vêtements pour gloire et pour ornement. Et tu parleras à tous les hommes d'esprit, à chacun de ceux que j'ai remplis de l'esprit de science, afin qu'ils fassent des vêtements à Aaron pour le sanctifier, afin qu'ils m'exercent la sacrificature. Et ce sont ici les vêtements qu'ils feront, le pectoral, l'éphod, le rochet, la tunique qui tienne serrée, la tiare et le baudrier. Ils feront donc les saints vêtements à Aaron, ton frère, et à ses fils, pour m'exercer la sacrificature. Et ils prendront de l'or, de la pourpre, de l'écarlate, du cramoisi et du fin lin, et ils feront l'éphod d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, d'un ouvrage exquis. Il aura deux épaulières qui se joindront par les deux bouts, et il sera ainsi joint. Le ceinturon exquis dont il sera ceint, et qui sera par-dessus, sera de même ouvrage, et tiré de lui, étant d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors. Et tu prendras deux pierres d'onyx, et tu graveras sur elles les noms des enfants d'Israël, six de leurs noms sur une pierre, et les six noms des autres sur l'autre pierre, selon leur naissance. Tu graveras sur les deux pierres, d'ouvrage de lapidaire, de gravure de cachet, les noms des enfants d'Israël, et tu les enchâsseras dans des chatons d'or. Et tu mettras les deux pierres sur les épaulières de l'éphod, afin qu'elles soient des pierres de mémorial pour les enfants d'Israël, car Aaron portera leur nom sur ses deux épaules, devant l'Éternel, pour mémorial. Tu feras aussi des crampons d'or, et deux chaînettes de fin or à bout, en façon de cordon, et tu mettras les chaînettes ainsi faites à cordon dans les crampons. Tu feras aussi le pectoral de jugement d'un ouvrage exquis, comme l'ouvrage de l'éphod, d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramois, I, et de fin lin retors. Il sera carré et double, et sa longueur sera d'une paume, et sa largeur d'une paume, et tu le rempliras de remplage de pierreries, à quatre rangées de pierres précieuses, à la première rangée on mettra une sardoine, une topaze et une émeraude, et à la seconde rangée, une escarboucle, un saphir, et un jaspe, et à la troisième rangée, un ligure, une agate et une améthyste, et à la quatrième rangée, un chrysolite, un onyx et un béryl, qui seront enchâssés dans de l'or, selon leur remplage. Et ces pierres-là seront selon les noms des enfants d'Israël, douze selon leur nom, chacune d'elles gravée, de gravure de cachet, selon le nom qu'elle en doit porter, et elles seront pour les douze tribus. Tu feras donc pour le pectoral des chaînettes à bout, en façon de cordon, qui seront de pur or, et tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or, et tu mettras les deux anneaux aux deux bouts du pectoral, et tu mettras les deux chaînettes d'or faites à cordon, dans les deux anneaux à l'extrémité du pectoral, et tu mettras les deux autres bouts des deux chaînettes faites à cordon, aux deux crampons, et tu les mettras sur les épaulières de l'éphod, sur le devant. Tu feras aussi deux autres anneaux d'or, que tu mettras aux deux autres bouts du pectoral, sur le bord qui sera du côté de l'éphod en dedans. Et tu feras deux autres anneaux d'or, que tu mettras aux deux épaulières de l'éphod par le bas, répondant sur le devant, à l'endroit où il se joint, au-dessus du ceinturon exquis de l'éphod, et ils joindront le pectoral élevé par ses anneaux aux anneaux de l'éphod, avec un cordon de pourpre, afin qu'ils tiennent au-dessus du ceinturon exquis de l'éphod, et que le pectoral ne bouge point de dessus l'éphod. Ainsi Aaron portera sur son cœur, les noms des enfants d'Israël au pectoral de jugement, quand il entrera dans le lieu saint, pour mémorial devant l'Éternel, continuellement. Et tu mettras sur le pectoral de jugement l'urim et le thummim, qui seront sur le cœur d'Aaron, quand il viendra devant l'Éternel, Aaron portera le jugement des enfants d'Israël sur son cœur, devant l'Éternel, continuellement. Tu feras aussi le rochet de l'éphod, entièrement de pourpre, et l'ouverture où passe la tête sera au milieu, et il y aura un ourlet à son ouverture tout autour, d'ouvrage tissu, comme l'ouverture d'un corselet, afin qu'il ne se déchire point. Et tu feras à ses bords des grenades de pourpre, d'écarlate et de cramoisi tout autour, et des clochettes d'or entre elles tout autour, une clochette d'or, puis une grenade, une clochette d'or, puis une grenade, au bord du rocher tout autour. Et Aaron en sera revêtu quand il fera le service, et on en entendra le son lorsqu'il entrera dans le lieu saint, devant l'Éternel, et quand il en sortira, afin qu'il ne meure pas. Et tu feras une lame de pur or, sur laquelle tu graveras ces mots, de gravure de cachet, la sainteté à l'Éternel, laquelle tu poseras avec un cordon de pourpre, et elle sera sur la tiare, répondant sur le devant de la tiare, et elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera l'iniquité des saintes offrandes, que les enfants d'Israël auront offertes, dans tous les dons de leurs saintes offrandes, et elle sera continuellement sur son front, pour les rendre agréables devant l'Éternel. Tu feras aussi une chemise de fin lin, qui s'appliquera sur le corps, et tu feras aussi la tiare de fin lin, mais tu feras le baudrier d'ouvrage de broderie. Tu feras aussi aux enfants d'Aaron des chemises, des baudriers et des calottes, pour leur gloire et pour leur ornement. Et tu en revêtiras Aaron ton frère, et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras, puis ils m'exerceront la sacrificature. Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, qui tiendront depuis les reins jusqu'au bas des cuisses. Et Aaron et ses fils seront ainsi habillés, quand ils entreront au tabernacle d'assignation, ou quand ils approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, et ils ne porteront point la peine d'aucune iniquité, et ne mourront point. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour lui et pour sa postérité après lui.